Chapitre 4e. Bijou, qui d'habitude trottait le matin dans le parc et dans la maison, ne parut qu'après le premier coup de cloche annonçant le déjeuner. Pierrot, inquiet, s'élança au-devant d'elle pour la questionner avant même qu'elle eût dit bonjour à la marquise et à l'oncle Alexis. Il voulait savoir pourquoi il ne l'avait pas vue comme à l'ordinaire à la vacherie, où chaque jour elle s'occupait des fromages. Pourquoi, puisqu'elle n'était pas montée à cheval, n'était-elle pas venue? « Comment sais-tu, demanda Bijou, que je ne suis pas monté à cheval ?»« Parce que Patatras était à l'écurie, j'y suis allé voir. » Elle dit en riant, « Alors tu me surveilles ?» Pierrot rougit. « Ça n'est pas surveillé, et puis il n'y a pas que moi. Nous étions nous deux, monsieur Giraud. »« Quel français, seigneur, quel français !» fit monsieur de Jonzac, l'air navré. « Bah, s'il y avait du monde, je ferais attention à parler plus chiquement, mais comme il n'y a que nous. » Il se tourna vers Bijou. C'est vrai, ça. Il était aussi étonné que moi, monsieur Giraud. Il répétait tout le temps. Chaque jour, on voit mademoiselle Denise courir partout. Il faut qu'elle soit malade. Alors moi, je disais, oh, pour ça, non, ça ne doit pas être ça. Le Bijou n'est jamais malade. Voyez-vous, monsieur Giraud, que j'avais raison? Non, tu avais tort. J'étais, non pas tout à fait malade, mais fatigué, mal en train. Je viens de me lever. Elle marcha vers le professeur, qui s'appuyait au chambranle d'une fenêtre, si fort qu'il semblait s'y vouloir creuser une niche avec son dos, et lui tendant la main, elle continua. « Et je remercie M. Giraud d'avoir si gentiment pensé à moi. » Tout pâle, visiblement troublé, le jeune homme osa toucher à peine la petite main douce qui se posait dans la sienne avec confiance et abandon. Mais il parut heureux d'un bon accueil qu'il n'espérait certainement plus retrouver jamais. « Mademoiselle, balbutia-t-il, pris d'une vague envie de s'enfuir ou de pleurer. « Mademoiselle, je ne me suis pas permis, croyez-le, de faire ces remarques. Eh bien, vous avez eu tort. Il faut tout se permettre avec le Bijou, comme dit Pierrot. » Et tout de suite, elle demanda, subitement préoccupée, l'air absorbé, « Est-ce qu'on a travaillé à la revue ce matin ?»« Travailler ?» fit Pierrot, convaincu. « Travailler sans toi ? Affiche-toi, non. C'est assez de piocher quand tu es là. » Sans encore le faire en ton absence. Ah non, elle serait mauvaise, celle-là. Nous en avons soupé de la revue, moi surtout, qui suis obligé de travailler encore au reste. Bijou se mit à rire. Tu ne crains pas de te fatiguer en travaillant tant que ça? S'il continue au train dont il va, dit monsieur de Jonzac, il ne passera pas son baccalauréat, n'est-ce pas, monsieur Giraud? Je le crains, monsieur, je le crains, répondit doucement le professeur. Pierrot est très intelligent, mais si étourdi, si distrait, depuis notre arrivée ici, surtout. Pierrot se récria. Pas plus que vous toujours que je suis distrait, monsieur Giraud, c'est vrai. Je ne sais pas ce que vous avez. Vous êtes en voyage tout le temps. Vous ne bouquinez pas comme avant. Et même avec les maths, on dirait que ça ne biche plus. Vous ne faites plus rien. Que vous occupez de moi. Et des vers dans les coins. Vous faites des vers, monsieur Giraud? Demanda madame Nerueil qui entrait, suivie de Jean et d'Henri. Mon Dieu, madame! Bredouilla le pauvre garçon, qui ne savait où se fourrer ni que dire. « J'en fais sans en faire. »« Vous en faites de charmant, » dit Jean. Et comme le jeune homme étonné le regardait, il reprit. « Oui, vous faites de très jolis vers, que vous perdez. C'est le petit Marcel qui a trouvé ceci et me les a donnés. » Il offrait à Giraud, en souriant, un papier plié où l'écriture était invisible. « Voyons, » fit Bijou en allongeant la main. « Mademoiselle !» cria le répétiteur qui s'élança effaré. « Mademoiselle, je vous en prie. » Puis il ajouta, voulant expliquer la violence de son intervention, « Ce sont de très mauvais vers. Souffrez que je les cache. Je vous en montrerai d'autres, qui seront plus dignes d'être montrés. » Bijou restait la main tendue, la pose attentive, l'air ingénu. Elle supplia. « Je t'en prie, montre cela tout de même. Ça n'empêchera pas M. Giraud d'en refaire d'autres que nous verrons aussi. » Mais Jean répondit en remettant le papier au répétiteur éperdu. « Je ne peux pas te montrer une lettre, car c'est en quelque sorte une lettre qui appartient à son auteur. »« Je vous remercie, » balbutia Giraud tout décontenancé. « Je vous remercie, monsieur. » Et il fit disparaître dans sa poche l'inquiétant petit papier. « Pierrot, » appela la marquise, « donne-moi la Bruyère. Tu sais où il est ?»« Qui ça ?» demanda le gamin en clignant de l'œil. « La Bruyère. » « Vous allez voir, » dit M. de Jonzac en regardant son fils d'un air désolé, « qu'il ne sait pas ce que c'est que la Bruyère. » Pierrot protesta avec énergie. « Si, je sais ce que c'est. La preuve, c'est un dos bleu. » La vieille marquise demanda. « Un quoi ?»« Un dos bleu, ma tante. » Monsieur Giraud intervint. « Expliquez à madame votre tante que vous avez la fâcheuse manie de désigner les livres par la couleur de leur reliure plutôt que par leur titre. » « Parbleu, fit monsieur de Jonzac, indigné. Il n'en ouvre jamais un seul. Il est d'une ignorance. Quand je pense qu'il va avoir 17 ans... « Ce pauvre Pierrot, dit Bijou compatissante, il n'est pas si ignorant que ça. » Et comme son oncle ne répondait rien, elle ajouta. « Et puis il est si gentil. Il se porte si bien. » Monsieur de Jonzac répondit. « Oh, quant à ça, il craque de santé. Et ça le rend encore plus insupportable, mais pas plus intelligent. » On s'est plaint du surmenage intellectuel. On indique qu'il abrutissait les enfants. Et on lui a substitué le surmenage physique qui les abrutit bien davantage encore. « Voilà, dit Bertrade, mon oncle partit en guerre. Je suis d'ailleurs de son avis. Et ça ne me réjouit pas du tout de penser que mes enfants augmenteront peut-être, à un moment donné, le nombre des jeunes brutes que nous voyons autour de nous. » « Mais, dit Henri de Bracieux, il y a parmi les jeunes et les très jeunes beaucoup d'intellectuels, j'en connais. » Jean de Blaye répondit, « Moi aussi j'en connais. Mais ce ne sont pas, à mon sens, des intellectuels, ce sont... » Une cloche sonna longuement, et la marquise se leva en disant « Allons déjeuner, mes enfants. Jean finira à table sa petite définition. » Jean répondit en riant « Je n'y tiens pas, ma tante. J'y tiens, moi. Je ne suis plus dans le train, comme vous dites. Et il ne me déplaît pas d'être renseigné sur certaines choses que j'ignore totalement. » S'asseyant à table, elle continua « Alors ceux qui ne sont pas des intellectuels sont... » « Oh, fit Jean, les explications, ce n'est pas mon affaire. » « C'est égal, va toujours. Ceux qui ne sont pas des intellectuels, pour tout de bon, sont des maladifs, de faux maladifs, pour commencer, qui finissent par devenir des vrais. Ils sont insupportablement poseurs, efféminins et détraqués, et tout ce qu'on peut être. Ils ont une originalité voulue et impersonnelle. Enfin, comment appelles-tu ça? Je ne sais pas trop, des compliqués. Tenez, le petit Labalu est un type très pur de compliqué. Vous pouvez l'étudier. » C'est une idée qui ne m'est jamais venue. Mais il y a dans la petite génération autre chose que les compliqués. Oui, il y a les jeunes athlètes. Spécimen, Pierrot, dit Henri de Bracieux. La marquise se tourna vers son petit-fils. Pas de personnalité. Continue ton petit discours, Jean. J'aimerais mieux manger tranquillement mon œuf, ma tante. Nous en étions aux jeunes athlètes. Eh bien, si les compliqués sont un peu écœurants, les athlètes sont embêtants à crier. La boxe, le football, la bicyclette, les matchs et les records. Tout ça prend dans leur conversation, et ce qui est plus fâcheux, dans leur vie, une importance gigantesque et unique. À leurs yeux, un homme de valeur est celui qui donne le plus fort coup de poing, ou fournit la plus grande somme de résistance ou de vigueur. Ils n'ont d'admiration que pour un seul être au monde, le champion, avec un grand C. Et entre les athlètes et les compliqués, rien. Ou des exceptions si rares qu'elles sont là uniquement pour confirmer la règle. Il n'est, bien entendu, question ici que de la petite génération, de la dernière, de celle de Pierrot. Laisse-le donc tranquille, ce pauvre Pierrot, dit Bijou. Vous êtes là tous à le prendre à partie, parce qu'il est encore temps de redresser son petit individu, qui, si on le laisse faire, tournera prochainement au plus déplorable gâtisme. Monsieur de Jonzac affirma. Jean a raison. Il peut se permettre de donner des conseils à Pierrot, et même aux autres, car il est à la fois un intellectuel et un sportif. Madame de Bracieux regarda son neveu avec bienveillance et conclut « Ton oncle a raison, mon garçon. Tu es le plus réussi de la famille. » Elle vit que Bijou semblait examiner curieusement son cousin et reprit « Je ne parle ici que des hommes, naturellement. » Pierrot se pencha vers Denise, assise à côté de lui, et lui dit tout bas, avec une reconnaissance passionnée. « Tu es bonne de me défendre toujours. Aussi je t'aime, va, toi, plus que tous. » Elle répondit, souriante, maternelle presque. « C'est très mal. Tu dois aimer mon oncle, et aussi grand-mère beaucoup plus que moi. Ça, d'abord, c'est pas prouvé. Et puis c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire que je t'aime, moi, plus qu'ils ne t'aiment tous. Et pourtant, il y en a qui t'aiment bien, va. Ainsi, Paul, tiens, Paul de Rueil. « Ben, je suis sûr qu'il t'aime plus que Bertrade, plus que ses mômes, plus que le bon Dieu, plus que tout. » Mais tais-toi donc !» fit Bijou effaré, regardant si personne n'avait entendu. « T'inquiète pas, ils s'occupaient à pêcher, ils ne s'occupent pas de nous. C'est vrai ce que je te dis, tu sais. Et Jean donc, et Henri, et M. Giraud. Il n'y a guère que l'abbé Courteil qui ne te suit pas dans les coins, et encore. Mais tu divagues. Comment peux-tu te figurer ? Je ne me figure pas, je vois. Et je vois parce que ça m'embête. » La voix de M. de Jonzac s'éleva. « Mais non, je suis convaincu qu'il ne se doute même pas que Renan existe. Il ne sait rien, rien de rien. » Toujours doux et conciliant, le professeur répondait « Mais si. Pour Renan, précisément, je sais qu'il doit le connaître. Il y a 3 ou 4 jours, j'ai l'occasion de le lui citer comme l'auteur de l'origine du langage. Eh bien, je parierais qu'il ne se souvient même pas de son nom. » Et M. de Jonzac appela « Pierrot ?» Le petit, absorbé par sa conversation avec Bijou, ne se doutait pas qu'il fût question de lui. En s'entendant appeler, il tourna la tête, vaguement inquiet. « Pierrot ? » demanda M. de Jonzac. « Qu'est-ce que c'est que Renan ?»« Allons bon, » dit Pierrot à Bijou. Là, les interrogatoires qui recommencent. « Renan, qu'est-ce que ça peut bien être que celui-là ? » Et comme son père répétait, « Tu ne sais pas ce que c'est que Renan ?» Il répondit, « Non, papa. »« Comment ?» demanda Giraud, surpris. « Mais ces jours-ci encore, nous avons parlé de lui. »« De lui ?» fit Pierrot abasourdi. « Moi, j'ai parlé de cet homme-là ? Mais oui, voyons, rappelez vos souvenirs. Je vous ai cité un de ses ouvrages. » Bijou, qui tout à l'heure n'écoutait que d'une oreille ce que lui racontait Pierrot et suivait de l'autre la conversation, se souvint et, le nez dans son assiette, absorbé en apparence par les fraises qu'elle roulait dans du sucre, elle lui souffla, bas, très bas, « L'origine du langage. »« Voyons, cherchez bien, » répétait le professeur. « Je vous ai cité un livre de M. Renan, lequel ?» Pierrot répondit résolument, « Le langage des fleurs. »« À la bonne heure, » dit Bertrade ravi. « Avec Pierrot, on peut toujours s'attendre à quelque chose de joyeux. » M. de Jonzac, malgré son envie de rire, déclara, l'air pincé, « Moi, je ne trouve pas ça drôle. » Très rouge, Pierrot se tourna vers Bijou. « Toi, au moins, tu ne ris pas. Tu es bonne, toi. » On sortait de table. Il l'entraîna sur le perron et lui dit, suppliant, « Laisse-moi aller avec toi donner le verre à Patatras. Mais il faut avant ça que je serve le café. Pour une fois, Bertrade le servira bien, voyons. Et moi, je ne veux pas rentrer au salon. On me demanderait encore le nom de quelque chose. » Denise prit dans une remise la corbeille où était préparée la botte de trèfle qu'elle portait chaque jour à son cheval et se dirigea vers l'écurie, suivie de Pierrot qui répétait, faisant presque douce sa grosse voix, « Tu es si gentil, Bijou, et joli, si tu savais. » En traversant l'allée qui menait aux écuries, il montra M. de Reuil et Jean de Blaye qui s'avançaient en causant et dit, « Tiens, comme tu n'y étais pas, ils n'ont pas fait long feu au salon, les cousins. » Denise allait au-devant d'eux, il la retint brusquement. « Non, je t'en prie, ils ne décolleront plus, et je ne t'aurai pas, moi, tout seul. C'est une telle veine que j'ai d'être avec toi un instant sans M. Giraud. Il est toujours à me marcher sur les talons, quand je vais de ton côté, surtout. » Bijou regardait attentivement les deux hommes qui venaient à elle sans la voir, très absorbée. Et entre ses paupières un peu lourdes, glissait cette petite lueur qui donnait parfois une si singulière acuité à son regard habituellement voilé. Elle répondit, en entrant dans l'écurie, « Soit. Allons sans eux porter à Patatras son herbe. » M. de Reuil marchait, les yeux fixés sur le sable de l'allée. Il leva la tête en entendant la porte qui s'ouvrait. Jean de Blaye indiqua l'écurie et dit « Tiens, il est là le motif de la gêne que je sens à présent dans tes moindres paroles, de l'espèce de petite animosité que tu as contre moi. » Affectant de plaisanter, Reuil répondit « Vraiment, et c'est ?»« Bijou, parbleu, ah, ne me dis pas non. Crois-tu que je n'ai pas suivi heure par heure ce qui se passait en toi ? Ça devait être bien intéressant. » « Ne blague donc pas, tu n'en as guère envie. J'ai vu le moment où tu as commencé à admirer inconsciemment Bijou. Plus qu'on admire une bonne petite cousine qu'on aime bien. C'était le soir du Grand Prix, chez l'oncle Alexis, quand elle a chanté. Tu ne dis rien. Je t'écoute, va toujours. Quand nous nous sommes trouvés tous ensemble à Bracieux, ne nous quittant pas, quand tu as vécu toutes les minutes des longues journées à côté de Bijou, ton admiration a augmenté, naturellement. Depuis hier, depuis votre voyage à Pont-sur-Loire, elle est à l'état aigu. Est-ce vrai ? Eh bien, c'est vrai. Ça ne m'étonne pas. Mais explique-moi une chose. Une chose qui m'étonne, celle-là. Quelle est cette chose ? Pourquoi est-ce à moi que tu sembles en vouloir particulièrement ? Pourquoi à moi plutôt qu'à ton beau-frère, au petit Labalu, ou au répétiteur de Pierrot, ou à Pierrot lui-même ? Dame, Henri est presque de l'âge de Bijou. Il a été élevé avec elle, et elle le considère comme un frère, exactement. Le petit Labalu est un grotesque. Le répétiteur, un pauvre diable qui ne compte pas. Et Pierrot, un gosse, tandis que toi ? Tandis que moi ? Toi, tu es de ceux qu'on aime, et tu le sais bien. Et je vois, je sens, je devine que c'est toi que Bijou aimera. Moi ? Allons donc. Elle ne daigne pas faire la plus légère attention à moi. Je ne suis à ses yeux que le monsieur qui lui dresse un cheval, la promène en bateau ou fait des couplets pour sa revue. Enfin, tu existes plus que les autres, toujours. Et pourquoi donc ça ? Il te plaît de trouver le petit Labalu un grotesque ? Mais tout le monde n'est pas de ton avis. Quant à Giraud, il est charmant. Oui, mais il est Giraud. Et puis après, qu'est-ce que ça fait, ça ? Beaucoup. C'est-à-dire, rien du tout pour certaines femmes, tout pour d'autres. Et Bijou est des autres. Et qu'est-ce que tu en sais ? Je l'étudie depuis longtemps déjà, sans en avoir l'air. Tu l'étudies, mais tu ne la connais pas. Peut-être. Je sais bien que si j'étais à sa place, je choisirais parmi tant d'amoureux, ça se chante, dans les noces de Jeannette. Tu ne m'empêcheras pas de suivre ma petite idée, va. Parmi tant d'amoureux, s'il me fallait choisir, c'est certainement Giraud que je prendrais. Une femme choisirait Giraud parce qu'il est joli garçon, mais une jeune fille qui ne connaît en fait de noces que la vraie, celle qu'on fait à l'église, ne le choisira pas, jamais. Alors tu n'en veux pas Giraud parce que selon toi il n'est pas épousable, partant pas à redouter, précisément. Eh bien, et toi, mon pauvre vieux, crois-tu donc que je sois épousable, moi ? Me vois-tu avec mes malheureux 400 000 francs m'essayant à faire le bonheur du bijou ? Non mais vois-tu ça ? L'appartement de 3 000, les lampes à pétrole et le feu au charbon, ce serait délicieux. Pourtant tu l'aimes. Permets. Je ne t'ai pas dit que j'aimais Bijou, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que je la désire passionnément. Et que ne pouvant pas l'épouser, je suis très malheureux. Et tu crois qu'elle ne t'aime pas ? Pas le moins du monde. Elle n'a d'ailleurs jamais cherché à me donner le change. Bonjour, bonsoir, il fait beau. Tel est le palpitant dialogue qui se renouvelle chaque jour entre nous. Alors tu vois, tu as tort de m'en vouloir. Je te demande pardon, mon pauvre Jean. Mais je croyais tellement que tu étais grand favori. Monsieur de Reille s'interrompit, tendant l'oreille. Tiens, fit-il, la voilà. Bijou sortait de l'écurie, toujours suivi de Pierrot. Elle vint gentiment aux deux hommes, les examinant de son même air calme et souriant, et demanda : Qu'est-ce que vous avez donc tous les deux ? Vous avez l'air tout chose.